exploration urbaine, cette fois-ci donc avec le laboratoire de Cresson, du Grand Prix de Grenoble. Et là va impliquer une petite marche. Et on reviendra ici à la fin de la marche. Mais je pense que durant cette déambulation, on pourra aussi intervenir, discuter par rapport à votre présentation, expérimentation. Est-ce que, oui, en quelques mots, vous voulez introduire votre démarche ? Introduire la démarche, donc on va plutôt vous faire balader à travers 3, 4, 5, 6 petits espaces, sous-espaces, en essayant d'attirer votre attention, votre écoute sur l'espace sonore lui-même, et puis des tas de petits effets qui peuvent avoir lieu en fonction de la qualité, aussi bien urbaine que architecturale, que sociale, des choses comme ça. Et on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être vous amener cet outil d'analyse par les effets sonores, qui est un des gros travaux fondateurs du labo, qui a maintenant une quarantaine d'années, je dirais, qu'on continue à creuser et qui peuvent aussi être utilisés comme analyse de tout ce qui se passe d'un point de vue sonore, acoustique, social, psychologique, artistique, musical, etc. Il y a quelqu'un qui arrive. Super. S'il vous plaît, ben c'est nous qui vous remercions. Allez, en route. Bonjour. Puisque je suis là depuis tout le temps. Quoi. Si vous vous débarquez ici, vous allez avoir la peine à rencontrer les gens. Il y a plus de personnes âgées celui-là pour qu'il revienne, parce qu'on va ressortir par là, je pense, tout le temps. D'accord, ah oui, ok. D'accord. Ah oui. Et bon, c'est vachement lumineux, quoi. Bon, là, les dépravations des boîtes aux lettres, évidemment, ils ne les ont jamais changées depuis le début. Mais c'est peut-être les seules choses qui ne sont pas belles. Après, le reste, on aime, on n'aime pas. Oui, on est bien là. On a activé un petit peu. On a tout sous la main. On est bien. Non, c'est vrai. On est pas sous la main. Et oui, quand vous les enfants petits, oui. Super plus généreux, j'ai l'ascenseur après. J'ai une ouverture, j'ai des coups, j'ai des sas, chaque entrée, il y a un auvent. Et en fait, sous chaque auvent, il y a une amplification de la voix. Quand vous rentrez chez vous, il y a un petit truc sonore, des trucs, etc. Vous savez, c'est un espace extérieur. Celui-ci, c'est un deuxième espace extérieur, très très en longueur, très réverbérant, et en même temps pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est du verre et du béton. Mais là, c'est du bois que du bois. Et donc, vous n'avez pas du tout l'effet de tunnel qu'il y a dans les immeubles de cette époque-là, très très souvent. Et en plus, vous avez un espace en longueur, qui, du point de vue acoustique, est formidable. Parce que si vous ne parlez pas fort au bout ici, vous entendez absolument distinctement là. parce qu'il n'y a pas de résonance, mais il y a une fluidité qui fait que le son glisse, si vous voulez, sur le chose. Donc la forme en longueur donne aussi une orientation, ce qui pour les aveugles, on parle des aveugles tout à l'heure, par exemple, est fondamental. Un aveugle, on croit qu'il s'oriente le son, s'il est dans un espace réverbérant, il demande à ouvrir une fenêtre pour qu'il sache qu'il a une orientation. Et là, dans cet espace-là, alors même qu'il est réverbérant, que donc on s'entend bien, que donc on peut poser, que si je croise quelqu'un, je suis obligé de lui dire bonjour, de faire un geste ou quelque chose. Parce que le sonore, l'ambiance sonore ne l'impose pas, mais y invite très très certainement. Et voilà, moi je trouve que c'est un exemple absolument magnifique d'une architecture, d'une intelligence formidable. C'est des très grands architectes qui ont fait ça, mais monsieur Luc qui sait, c'est social quand même de l'époque. Mais par rapport à la production de cette époque, je trouve ça tout à fait exceptionnel. Et en fait, le sonore, c'est une découverte grâce à votre exercice, devient un moteur. Donc là, c'est le seul cas où on a pris aussi l'idée de prendre des paroles habitantes. Mais vous voyez que c'est aussi une façon de faire réciter un lieu, de faire parler un lieu, et où des avis très contradictoires peuvent apparaître. Mais en fait, derrière des avis très contradictoires, avec des tout petits collages et tout ça, tout à coup, il y a un imaginaire collectif qui est matérialisé là par le son. Voilà quelle était l'intention. Je vous propose qu'on en discute dans ce 3 ou 4, on marche, en allant au lieu suivant. On y va assez vite, et il y aura d'autres choses. Oui, parce que le lieu suivant est de l'autre côté du boulevard, donc on ne va pas traîner en route, pas trop. Acoustiquement, vous allez sentir des différences. Et tous ces deux premiers niveaux qui sont avec des porte-à-faux, des volets, des chapeaux, etc., font qu'on s'entend bien, ici, parce que vous avez des choses autour. Et en même temps, si je frappe ici, ouais, ça marche pas bien. Si. Tout à coup, vous avez la grande façade en haut, la surface de réverbération immense, qui renvoie le son sur la place de l'autre côté. Donc vous avez deux échelles sonores qui sont complètement différentes. Ici, c'est plus frappant dans le parcours, le sol est terreux de votre main, et on retrouve l'effet du bois que vous mettez à l'intérieur. Il y a une réverbération très forte, et en même temps, c'est absorbé. Donc il y a même, à certains endroits, un écho, mais vous n'entendez qu'un écho. Ça vous en donne pan, pan. Alors que normalement, le truc, c'est pan, pan, pan, pan, pan. Et c'est assez étrange. Et du coup, c'est là encore une espèce de qualité acoustique étonnante de ce type d'échelle de bâtiment, de façade, parce qu'elle est sculptée en rez-de-chaussée, fait que ça s'absorbe sur le tout, alors qu'à la grande échelle, ça réverbère le son sur de la grande échelle. Et ça donne une ambiance générale. Donc de nouveau, l'articulation des échelles dans la structuration de l'espace. C'est pas très intéressant, le dedans-dehors, finalement, c'est un peu les mêmes effets, de la même façon que quand on chemine à l'intérieur de ce hall, sa qualité, c'est qu'on est encore dehors, en fait. On est dedans, mais on est vraiment dans un espace intérieur. Ah, change. Vas-y, c'est le moment. Désolé, ça marchait mieux tout à l'heure. Bon, on a cherché En fait, c'est un moteur de V8 qu'on a trouvé sur Internet. C'est le démarrage, etc. Je vais faire démarrer cette voiture. bon, là aussi, comme dit dans mise en scène, des idées rigolotes. Donc c'est bon. Les gens font des hypothèses et tout ça, on soutient un petit peu, et ils énoncent de cette façon-là plein de qualités sonores. Et ils parlent plus du tout du bruit, ou c'est bien, ou c'est pas bien. Et là, ils essayent simplement, sans qu'on pose de questions directes, d'identifier mais où est-ce que c'est à quelle heure. Il y a des gens qui me disent, mais ça, c'est un machin qui rentre assez le lundi matin à 11h30. Deux personnes qui disent ça, on me répond d'une cour à Grenoble, et ça, mais pourquoi? Ben parce que, en fait, machin, elle rentre, elle peut faire ses clics, etc. Et on entend très bien parce que c'est elle qui pose son sac, qui n'arrive pas à enjamber la marche, puis qui cogne la petite marche à l'entrée, etc. Et on a tout un récit du lieu, de la cour vivante, etc. Vous voyez, c'est une façon à la fois de raconter des histoires, de faire réciter le lieu, sans passer par des questions directes, mais le son est un catalyseur de récit et permet d'avoir une énonciation. Spontané en quelque sorte. Et puis pour nous, après, de sortir justement ce que Jules a dit en introduction, de nommer ce que nous avons appelé des effets sonores, c'est-à-dire des effets de réverbération, des effets de difficulté. On va en discuter peut-être dans la séquence suivante. Il faut passer par la petite porte, parce qu'il y a un sens pour pénétrer de façon sauvage et particulière. Ah, ils nous ont repérés ce matin. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben. Hier soir, on a fait ce matin. Et voilà. Donc, on s'en parle de ce qu'il y a eu, etc. Ceux qui le signent, ils ont dit hier soir, et on ne peut pas le dire. Non, mais ce matin, on a un ressort par le côté, désolé. Les aléas du direct. Là, dans ce niveau-là, on a un peu de temps. Vous allez voir en sortant. Ils ont mis les cloches à la place pour pouvoir plus. Ouais, vous avez un bon son avec les cloches. On a bien calculé, programmé. Ouais. Pour... Donc ça, c'est des idées que vous avez eues entre hier et aujourd'hui. Voilà. Et puis qu'on avait déjà testé un petit peu à droite dans les petits événements. Et... Oui, enfin, la méthode. Oui, voilà. Mais par contre pour la voiture, si tu ne vois pas la voiture. Tu... Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut trouver un moteur pour faire. Après, les parkings souterrains réverbérants, on a un petit peu l'habitude. C'est une figure récurrente de l'urbanisme, ça. Et ensuite, donc oui, c'était... Donc, tout à l'heure, la première expérience là, qu'on avait, donc c'était trois fois la même bande. Oui. Mais c'est intéressant dans la longueur, parce que comme ça, tu peux bouger et puis tu perds rien. Exactement. Et puis en fait, ce n'était pas tellement l'idée de que vous écoutiez ce que racontent vraiment les gens. Ce n'est pas une enquête sociologique, quelque part. Mais c'est vraiment le fait, oui. Paroles, ouais. il y a ces petites alcôves, tu te dis, ben, elles sont faites pour que les gens s'y posent, discutent, et d'une manière presque intime, même si on est dans un espace qui est assez passant. Il y a des spectateurs, là, je demande ce qui se passe. Bon, ensuite, je crois que c'était une danseuse. Et donc, c'était pour discuter, vous parler de ce qu'on appelle le faux culture, et le faux banal qu'on a dénommé. King est ressorti par là, sans problème. Maybe I can just Google for you what you're... I mean, if you'd like to know about it. Petite configuration spatio-sonore intéressante. C'est... Okay. Ouais. L'idée est qu'en fait, c'est des petits îlots qui ont l'air à peu près fermés. Il y en a certains, il y en a certains qui sont ouverts là-bas. Et en fait, voilà, on est à la fois dans un micro-milieu sonore. Tiens, les oiseaux émergent, des choses comme ça. Très calme aussi, on peut se poser pour lire. Pour visuellement. Voilà. Et pourtant, quand on ferme les yeux, qu'on écoute, et ben. La circulation est là. Quand... Après, je voulais juste dire, j'en ai passé par une rue latérale. Ça aussi, à l'échelle plus urbaine, je trouve que c'est une grande qualité, vous sentez bien. Vous avez vu qu'il y a eu une voiture qui a dû klaxonner parce qu'on n'était pas venu plus. Et pendant 3-4 minutes de marche, on était seul dans cette rue. J'avais un truc de calme incroyable, de rue, avec une gabarit à penser. Le fait qu'elle soit en contre-allée, en quelque sorte, des espaces centraux, c'est dans lesquels on va finir maintenant, c'est dans lesquels on va finir, la place du marché, où là il y a plus de monde, plus de gens. Donc c'est cette façon, par le gabarit, non pas pour des raisons acoustiques, mais plus pour des raisons de fréquentation, de faire varier là encore les ambiances sonores différentes. Et il y a des moments où j'ai envie d'être calme, des moments où j'ai envie d'être un refuge, des moments où j'ai envie d'être un endroit très animé, même avec beaucoup de bruit, des moments où j'ai envie d'être dans des choses. Et je trouve que c'est une offre importante en termes d'urbanisme d'offrir cette biodiversité sonore en quelque sorte. Et les gabarits comptent pour ça. Et donc, c'est pas tellement les matériaux. Ah, si, les matériaux, je sais pas si ça va être avec. Mais c'est pas seulement une question d'acoustique physique. Qu'est-ce qu'on en dit alors de tout ça? Je tiens à préciser que c'est moi le plus suisse de l'équipe. J'habite à Lausanne depuis 40 ans. C'est pas moi qui pensais à ça. Sinon, ça aurait été de Gaulois, évidemment. Là, ce sont des corps des Alpes français. Ça, vous voyez. Ah, c'est le premier rassemblement international de corps des Alpes où il y en avait 200 dans un petit village du Vercors à côté de Grenoble. Donc venu de tous les pays où on joue, jusqu'en Belgique, jusque je ne sais pas où, en Suisse bien sûr, etc. Non, c'était peut-être la dimension un petit peu clin d'œil de là où on est qui nous invite, et puis surtout, avant tout, la résonance, pourquoi cet instrument est là, pourquoi il est comme ça, parce qu'il se joue avec l'acoustique des montagnes et les choses comme ça, et qu'on s'est dit, bah, à l'échelle urbaine, micro-micro-pissotière, ça permet de faire sonner cette espèce de petites ouïes aussi, que dire d'autre. Sinon, on n'a pas trop le temps pour qu'on revienne, mais évidemment, dans tout ce territoire-là, oui. Les terrasses de café vont monter à certains moments. Des moments, il y a des enfants, des oiseaux. Moi, j'imagine qu'ici, il y a deux grand-mères dans le cours. Hier soir, c'est maintenant qu'on entendait les mères. L'enregistrement, il monte dans la présentation sonore. Et même simplement à l'écoute, c'est extrêmement présent. Et avec des effets, par exemple, de créneaux. Ce qu'on appelle l'effet de créneau, c'est... Je suis en train de causer avec toi, il y a une bagnole qui passe, je m'arrête parce que tu m'entends plus, et je reprends ma phrase 30 secondes plus tard, exactement à l'endroit, et on continue à parler comme si rien ne s'était passé. J'ai chopé le créneau pour passer ma voix. Et hier, j'ai repéré... Il faut avoir de la chance pour l'enregistrer. Il y a un moment où un merle a choisi deux créneaux où il y a eu un effondrement sonore, de l'ambiance sonore. Et là, il s'est mis à deux fois plus fort. Et donc, voilà, un rapport vivant humain, humain-animal, vivant-non-vivant, on n'a pas arrêté de parler de ça, avec les réflexions et tout, mais humain-animal, super humain. Là, c'est pas le rat et la poule. L'usage de l'effet de créneau par le maire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le décalage entre l'expérimentation que vous avez fait et ce que ça donne avec ce qui fonctionne plus, voilà. Les nouvelles choses qui apparaissent. Exactement, c'est ça. Ouais. Ah, bah, comme les cloches tout à l'heure, quand on sortait. Ah, ouais, c'était pas prévu, mais on va faire comme si. Et... On ne veut pas reproduire à l'identique l'expérience. Non. En fait, oui. Alors, on pourrait très bien présenter ça comme ça, qui pourrait marcher, qui pourrait plus ou moins marcher, qui marcherait plus ou moins d'ailleurs. Ouais, je pourrais très bien aussi attirer là. Attirer là. On finit. Par quoi ? On finit par... Un petit truc, un petit... Alors, on finit comme ça, par un petit dispositif urbain qui a l'air de rien du tout dans cet immense espace, mais qui, vous allez l'entendre, vous pouvez rester là où vous êtes, à ce niveau-là, va fabriquer une acoustique complètement différente. C'est-à-dire que juste en ouvrant une porte et en profitant de la cage de résonance, allez-y, je vous en prie, on arrive à projeter sur cet espace qui est très plat, qui est très silencieux, qui est très mat. Je vous en prie. Oui. Donc on arrive à produire ce qu'on appelle en fait un effet de couplage. C'est-à-dire que l'espace dans lequel vous êtes ou vous m'écoutez subit l'influence de l'espace qui est derrière moi. Et effectivement, je vais pouvoir vous chanter une petite romance. Alors, peut-être pas, non ? Bref, si vous avez compris, ça va suffire comme ça. Voilà, c'est parfois des tout petits détails qui font que, hop, on a un truc qui a l'air de rien dans cette immensité-là. On ouvre une porte et tiens, ça change complètement le... Effet de coupure, d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure. Tiens, j'ai coupé la résonance. Voilà, c'est des tout petits détails comme ça qui, parfois, changent complètement la perception acoustique des lieux. Souvent, sur des projets d'abri de bus, par exemple, l'abri de bus, moi, je trouve que ceux qui marchent bien, c'est ceux où il y en a un petit peu plus de place, c'est justement un peu plus de résonance, parce que du coup, on peut être différent plus facilement. Et je pense que quand on a des petites choses comme ça augmente la probabilité pour qu'il y ait peu plus de champs. Et là, on est dans une vraie problématique de faire plus vite. Voilà, on a déjà fait le discours sur les fontaines, donc on y retourne. De guerre, c'était pour le précédent parc. Ouais, en fait, on l'a pas vraiment fait parce qu'on voulait surtout mettre des sirènes. Un groupe qui travaille sur les sirènes d'alarme. Vous avez ça en Suisse, les sirènes d'alarme du premier mercredi à midi, premier mercredi du mois. Ouais, exactement. Voilà. Mercredi après-midi en février, chaque année. En février seulement. Une fois par année. D'accord. Ouais. En France, c'est une fois par mois. Sauf que. À Grenoble, au sud de Grenoble, il y a toute une zone, plusieurs zones danger, on va dire, une zone Céveso, industrie chimique, et puis une zone en fait qui est sous une grande rivière où il y a 4 ou 5 barrages hydroélectriques. Donc il y a aussi des tests d'alarme de si les barrages ont un souci, si Céveso. Et donc il y a certains jours, je crois, par mois ou tous les 3 mois, où les 3 types de sirènes envahissent. En plus, Grenoble, c'est une cuvette, donc elles envahissent vraiment le. Tout l'espace, et donc ils travaillent sur la répercussion, les résonances de ces phénomènes. Bon, c'est ça qu'on voulait un petit peu reproduire, et puis techniquement c'est un peu compliqué ce matin, donc c'est pour ça qu'après, est-ce qu'on va mettre le wild, est-ce qu'on amène la guerre jusqu'à Genève? On s'est dit, ça serait un peu de la... Exactement, mais en même temps c'est pour faire sensible, qui voilà, on en parle tous les jours, mais ça ressemble à ça. Enfin, il n'y a peut-être pas trop poussé non plus la provocation. Et puis, il aurait fallu voilà, du volume pour vraiment sentir le tremblement des bombes qui tombent à côté de chez toi. Et donc, il se passe encore quelque chose ici ou bien Alors, bah, on va, bah, vous avez terminé? On a terminé, ouais. Je pense. Hein, ouais. Merci beaucoup au Cresson à cette belle visite guidée. De ces ambiances, de ces formes sonores. Merci beaucoup.